I'm Pain. Pain. Pain. It's alive! C'est la première émission de l'année qui nous ramène vers notre programmation dite plus régulière. Ce qui signifie que ce soir, nous retrouvons nos segments mensuels, mais qui, exceptionnellement, se présentent dans le désordre, puisqu'il s'adressera aux albums marquants. Et qui dit album marquant dit aussi l'adjectif subjectif. Et je m'explique. Ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Tout est une question de perception. Mais au-delà de cette théorie, il y a la pratique. Et je puis vous affirmer que les choix de Sinistros ne sont pas subjectifs. Ils sont tout simplement pas bons! Mais n'est-ce pas là l'un des attributs du gobelin? Faire bien mal les choses. Et de toute manière, pourquoi vouloir plaire à tous alors qu'il est beaucoup plus simple de déplaire à tous? Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout parce que malgré tout, nous aimons tâter le pouls de nos auditeurs et prendre soin d'eux. Et que notre nouveau thermomètre mesure 8 pieds et qu'il n'est pas buccal. Priez pour ne pas y survivre enfoiré, cause fear is our fucking business. We are undead incorporated, cause we said so. Let's go.

Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition de février. Réanimation, 5 février de l'an de disgrâce 2019. Je suis Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement avec cette peste sur 2, 3, 4, 5 jambes. Mm-hmm. Sinistros. Mm-hmm. La cinquième, je vous dis pas ce qu'elle est. Dans le formol. Dans le front. C'est donc cette étrange protubérance qui te pend sur le nez. Oui. Ah, Sinistros. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Bien, mieux que la semaine dernière. Oui, semble-t-il. Ben, la route n'était pas très, très belle, n'est-ce pas? Non, c'était pas la route de Berthier, mais elle n'était pas belle. Non, c'est ça. Malheureusement, nous avons pu être ici la semaine dernière pour diverses raisons, température, manque de temps, ainsi de suite. On s'en excuse, mais nous sommes de retour ce soir avec une mission fort complète. Et nous l'espérons... En ce qui concerne mes choix intéressants. Oui, tes choix, oui. Je dis ça juste pour te flatter, là, mais. Oui, mais tu peux garder tes mains dans tes poches. OK. Comme premier bloc d'ouverture, nous avons entendu à l'instant même de nouvelles acquittées non-France, nos frangins de Gojira. Et la pièce Vacuity, qu'on retrouve sur The Way of Old Flesh, album qui est paru le 13 octobre 2008 sur Listenable Records. C'était leur quatrième. Gojira, qui est une formation fort intéressante, mais je dois dire que le dernier album en ligne, il m'a vachement déçu. Juste avant de Québec. De. Montreal, Québec, Voivode. Et la pièce Project X, qui est tirée de la séquence de Eric Forrest. L'album Negatron, le 8e en carrière, paru le 5 décembre 1995 sur Mausoleum. Moi, j'aime beaucoup cette séquence. Oh, c'est très beau. Avec Forrest, je trouve c'est, ça me rappelle les premières années. Puis les fans de cette période-là, ben, ils peuvent écouter le band Eric Forrest, qui est E-Force, qui est E-Force. Excellent. Ouais, c'est pas vilain, effectivement. Bon trash, un peu cyber-métal. Ouais, tout à fait. Moi, ça me ramène un peu aux premières années de Voivode, d'écouter cette séquence-là. Un ouvert avec D'Atlanta. Mastodon, très, très bonne formation qui donne dans un métal très grande tendance progressive. Et maintenant, je dirais, dans un rock progressif. Et la pièce Megalodon, petite pièce tirée de leur deuxième album paru en carrière, Leviathan, qui est paru le 31 août 2004 sur Relapse. Un album que j'aime beaucoup. En fait, c'est mon préféré. Ben, c'est pas mal le meilleur. Ben, selon moi. Ben, c'est encore là, c'est subjectif, là. Mais oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Remission était très bon aussi. Oui, ben oui, mais il était beaucoup plus rough, là. Mais vraiment intéressant. Ce soir, nous avons... deux présentations principalement, soit en la séquence des albums marquants. Et je disais lors de l'introduction de l'émission que nous faisions dans le désordre, parce que normalement, le segment album marquant, c'est la dernière émission du mois. C'était censé être la semaine dernière. Voilà. Mais ne reculant devant rien pour vous déplaire, nous la reprenons cette semaine. Oui. Tout à fait. Donc, vous pourrez ainsi constater que la dernière émission du mois de février, ben, vous l'avez ce soir. Hein? D'une certaine façon, c'est ça. Album marquant qui, respectivement, seront le choix de Sinistros en Iron Maiden et Peace of Mind. Et en ce qui me concerne, Fear Factory et Obsolete. J'aurai aussi la présentation de deux pièces du dernier album de Malevolent Creation qui est paru il y a... Belle lurette. Non, deux semaines, je pense. Oui, c'est ça, il y a Belle lurette. Ouais, c'est vrai, c'est vieux. The 13 Beast. Et à travers ça, quelques farfeluteries de notre ami Sinistros qui, justement, nous propose un premier bloc de sa composition pour la soirée. Ben oui, ça va être un petit bloc Easy Way, Easy Go dans le très rapide de... avec des petites tounes... Ben, ça frise un peu le crossover, ton enfant. Ben, c'est pas mal le crossover. Hein? T'as, t'as trouvé ça tout seul, là. Non, c'est marqué. OK. On va y aller avec un bloc crossover, comme dirait si bien notre cher docteur... non, notre pauvre docteur. Ben là, fais-toi une idée, là. Non, mais c'est pour m'endurer, c'est sûr que... Ben, t'es pas fin. Regarde, il est pas content, là. Tu l'as encore mis en pétard. Horace. Il me défend pour une fois. Bon. Valeureux petit singe. Nous aurons In Defense, Iron Reagan et Toxic Holocaust. Alors, commençons tout de suite avec In Defense, Democracy High Five. Let's go. Here he returns, I want On s'est encore fait avoir. Hein? Eh oui, un petit bloc vite fait, bien fait. Ben, bien, c'est correct. Bon, oh, est-ce correct. Non, tu l'as bien mixé, c'est vrai. Vite fait, vite fait. Oui, c'est vrai que t'as bien mixé quand même. Ça c'est pas, pas modestie qui t'étouffe, toi. J'ai même pas eu à rien faire, là, en plus, pour le mixage. Ça s'est fait tout seul. Là, ah fun, oui, hein? Ouais, moi, je claque des doigts, puis c'est ah, mixé. Hein. Ah, ben, coudonc. Toxic Holocaust de Portland, Oregon, avec la pièce War Is Hell, qui est apparue sur le premier album Evil Never Dies, qui est paru en 2003 sur Witch Brew Records, qui s'est paru le 1er octobre 2003. Aaron Reagan, c'est un band assez jeune, je pense. Hein? Aaron Reagan, ben... En 2012. Ouais, 2012. OK, ouais. C'est des membres de Municipal Waste. Là. Aaron Reagan, Richmond, Virginia... Avec la pièce Miserable Failure. Ah, il y a même du monde de Cannabis Corpse. Ouais, je pense que oui. Mammoth Grinder. Ah, ouais, ben oui, ben oui. Et c'était la sixième pièce de Tyranny of Will qui est parue le 16 septembre 2014 sur Relapse. Puis on a commencé avec un autre band américain de Minneapolis cette fois-ci. Oui, Minneapolis. Oui, c'est le petit. Oui. In Defense avec la pièce Democracy High Five qui est parue sur Party Lines and Politics. Premier album du groupe paru en 2011 sur Profane Existence. Voilà. Eh bien, nous en sommes rendus à ce segment des albums marquants. Et c'est à moi qui est, c'est mon heure de débuter avec mon choix. Avec ton album plate. C'est pas vrai, c'est même pas vrai, ça qui le pire. Toi, c'est vrai, par exemple. Non, c'est pas vrai. Oui, ça, c'est vrai. Oh, oui, on en parlera. Moi, j'ai un album marquant. Ça m'a marqué pourquoi? Parce que c'était tellement plat. Ben, tu vois que ça aurait pu être une raison. Hein? On dit marquant, mais on n'a pas dit jusqu'à quel niveau, là, pour quelle raison. Fear Factory, formation de Los Angeles en Californie, qui a vu le jour en 1989 sous le nom de Ulceration, soit de 89 à 90, pour devenir en 90 officiellement Fear Factory. Non, excusez-moi. En 90, Fear the Factory pour devenir Fear Factory. C'est pas mal plus beau Fear Factory que Ulceration, hein? Définitivement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Formation qui a donné initialement dans le death metal pour devenir par la suite, je dirais, industriel. Oui, industriel. Death metal. Pour en plus se diriger vers, je dirais, le cyber et le groove industrial death metal. Tu sais que Dino Cazares vient de se joindre avec le chanteur de Deep Roots. Ah ben, je l'ai chroniqué cette semaine. Je ne l'ai pas écouté encore. Et le chanteur de Letter Strip dans Deep Roots. Oui, j'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Je l'ai écouté l'album, moi. Ben, puis est-ce que c'est bon? On en parlera tantôt. On en parlera tantôt. D'accord. Donc, Fear Factory, qui est une formation qui, aujourd'hui, ne ressemble plus vraiment à celle d'origine, parce qu'il ne reste que Dino Cazares, qui est l'âme musicale de Fear Factory, ainsi que Burton Sibel, qui, tant qu'à lui, est l'âme vocale, bien entendu. Ils se sont joints en 2012, Mike Heller au drum, et en 2015, Tony Campos, qu'on connaît bien pour, entre autres, sa participation à Ministry. Il avec pas, c'est tout prong et... Ouais. Box Satan, blablabla, bla, ainsi de suite. Ouais, ouais, tout à l'heure. Soulfly, même. Static X. Static X aussi, effectivement. Assassino. Bien que sûr. Tu nous proposeras la semaine prochaine. Avec Dino Cazares aussi. Exactement, tout à fait. Fait que, on voit que ce sont tous des potes à quelque part. Le premier album, Soul of a New Machine, paraissait en 92 et c'était foncièrement l'album de death metal. Mais déjà, on pouvait déceler une certaine petite portion plus industrielle. Plus mécanique. Plus mécanique, voilà. Des Manufactures l'a vraiment signé avec une signature, voilà, une signature sonore beaucoup plus mécanique, beaucoup plus, je dirais... Oui, à tendance industrielle. Et avec le troisième album, qui est Obsolete, lequel on s'attarde aujourd'hui, eh bien, on voyait que le groupe était capable maintenant de mélanger énormément ce qui était les harmonies, les mélodies, parce que oui, il y en a, mais avec cette musique profondément puissante et violente. Je vous propose donc les cinq premières pièces de cet album, Obsolete, qui est paru le 28 juillet 1998 sous étiquette Roadrunner. On va entendre dans cet ordre Shock, Edge Crusher, Smasher Devourer, Sicker Return et La Planante Descent, Fear Factory. Let's go. We'll be right back. nature of this program, listener discretion is advised. Of perception, chaotic case of conquering domination. Psychopath snapped by chains of imprisonment. A bludgeoning force that's undermining the government. Killing strength, the law of destruction. Collapsing below my pressure. Killing strength. Yes! the way. Prepare for salvation. I am the way. Prepare for salvation. I am the way. Prepare for salvation. Division.

et de Smasher Devourer, ainsi que de Edge Crusher, et en ouverture de bloc et d'album également, Shock. Album que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie toujours autant aujourd'hui. Je trouve que c'est un des albums de Fear Factory. Si j'inclus plutôt des manufactures, on a des albums les plus accomplis. Je pense que Fear Factory a réussi tout au long de sa carrière jusqu'à présent à se démarquer de par l'apport de son technologique à sa musique, de par les différents samplings, synthétiseurs et ainsi de suite. Et aussi l'ouverture d'esprit, doit-on le dire, de Dino Cazares et de Burton Seabell. Sinistros, est-ce que tu as entendu quelque chose d'assez, je dirais, épouvantable pour les promoteurs aujourd'hui? La fuite de la carte ou du line-up du Heavy Montreal de cette année. Ben oui, comment ça se fait que ça a fuité vite de même? Ça serait attribué à Slayer. Slayer aurait publié sur leur Facebook le poster avec le line-up. T'es-tu sérieux? Oui, jusqu'à présent, la faute incomberait à Slayer, un de leurs headliners, effectivement, parce qu'ils sont ça, là. Il y a deux headliners avec Ghost, là. Avec Ghost, effectivement, et j'ai trouvé que c'était vraiment plate pour l'organisation. Ça a sorti de... pouf de même, c'est ben comme, oui. Hein, même pas d'annonce, rien pantoute. C'est très plate pour les promoteurs, que ce soit... Si ce n'est pas un canular, on s'entend, là, si l'affiche est vraiment la réelle et la vraie, c'est vraiment très, très plate pour eux parce que j'imagine qu'ils ont travaillé très fort pour être capables d'aller chercher cette carte-là et puis sur deux jours et puis l'effet est plus là. Remarque que moi, personnellement, ce que j'ai vu dessus, ça m'attirait plus ou moins. C'est pour tout le monde, hein? La semaine prochaine, n'oubliez pas que notre prochain segment, ça sera, c'est le segment de Sinistros. C'est l'évolution métallique selon Sinistros, effectivement. Donc, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Non, la semaine prochaine, c'est Métallographie. Métallographie, la semaine prochaine? Oui, Métallographie. Parce qu'on est en retard d'une. Ah, oui, t'as raison. Métallographie. On va terminer le mois avec Mechanical Surgery. Exactement. Métallographie, la semaine prochaine, Accept. Oui. Voilà. Sinistros, c'est ton album marquant de ce mois-ci. C'est quoi? Ouais. Et surtout pourquoi? Ben parce que on se transporte en 1983 alors que la planète métal était en pleine ébullition. Il y a un paquet de styles plus loufoques que les uns que les autres qui apparaissaient dans ce. C'était la grande époque du air metal. Le air metal commençait. Oui, on la voyait pas mal. Oui, ça a beaucoup trop mon goût. Pas mal, oui. Ouais. Iron Maiden qui arrivait avec son quatrième album, Peace of Mind. Un album qui était comme sorti des sentiers battus avec ce qu'il avait fait auparavant. On avait deux premiers albums, beaucoup in your face, très très rough avec. Oui, très presque avec Paul, punk. Presque punk avec Paul Di'Anno. L'arrivée de Dickinson a changé le son de Maiden. Mais c'est vraiment avec Peace of Mind où ce que le son a changé, puis le style de composition et de musicianship, comme on pourrait dire, a vraiment changé. Parce qu'ils sont rendus là, ils ont mis Cliff Burr dehors, puis ils l'ont remplacé par Nico McBrain, qui est un drummer très, très technique et très... très solide comparativement à l'autre d'auparavant. Oui. Ça a changé beaucoup le son de Maiden. Surtout le producteur aussi avait amené ça dans une autre coche. C'est un album qui a définitivement marqué les amateurs de métal. Oui, effectivement. Pas moi. Ben, pas toi. Moi, j'ai décroché, comme tu le sais. J'ai écouté un peu Number of the Beast, je suis honnête, là. Mais Dickinson, c'est pas été quelque chose qui m'a plu. Je sais. Mais je me plais à dire que je reconnais fortement l'influence et la qualité de ce groupe, par contre. Ça, c'est une chose qui est très vraie. C'est très bien. Alors, on est lavé la bouche avec du savon. Oui, c'est ça. Contrairement à toi, moi, je choisis pas une face. Tu choisis pas une farce, tu choisis une plate. Oui, c'est ça, c'est ça, t'en plein ça. Moi, j'ai choisi des pièces qui m'ont vraiment marqué sur l'album. Donc, Where Eagles Dare, qui est la pièce d'ouverture de l'album, suivie de Revelations, qui était la deuxième. On aura Still Life. Avec le fameux speech à l'envers où il explique au monde de ne pas jouer avec ce que vous connaissez pas, tu sais, finalement. Ouais, hein? Je suis surpris que tu n'aies pas pris de Trooper. Ben non, c'est parce que c'est commercial tout ça. C'est commercial, le Trooper? Ben, c'est commercial. Mais la façon de parler... Non, t'as raison. Iron Maiden, c'est commercial. C'est très, très connu, fait que, tu sais... The Trooper, c'est une pièce qui est ultra connue de Maiden. Fait que j'ai voulu y aller avec des pièces un peu plus obscures. Mm-hmm. Pas obscures, mais en tout cas, façon de parler. Ouais, je comprends. Puis on va terminer avec l'excellente Tout-Aimé-Land. Tout-Aimé-Land qui est la première des pièces conceptuelles de Maiden qui closait les albums. Okay. Sur chaque album, après ça, t'as eu Rime of the Ancient Mariner. Oui, je me rappelle bien. Après ça, t'as eu Alexander the Great. Et, c'est vrai, t'as raison. Même en 2015, avec The Book of Soul, on termine avec une pièce de 21 minutes, quelque chose qui est vraiment mm-hmm. comme grandiose. Fait que Tout-Aimé-Land, c'est pas mal la première de cette épopée-là, là, ou de cette tradition d'album en album. Mm-hmm. Fait qu'on va commencer tout de suite avec Where Eagles Dare sur l'album Peace of Mind, qui est paru en 1983. Iron Maiden. Go! We'll be right back. Mon spectacle se tiendra le 13 février prochain, dès 20h, au cabaret de l'Amphithéâtre Cogeco. Venez admirer les talents artistiques des étudiants et étudiantes de l'université qui électriseront les planches. La deuxième partie du spectacle sera assurée par le talentueux pianiste Jesse Pépin. Le billet est au coût de 15$ pour la communauté étudiante et 20$ en admission générale. En vente au kiosque près de la cafétéria ou sur amphithéâtrecogeco.com. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chronique culturelle et sportive, actualité, art, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditaire de cette émission. Audiomatique avec les sonoristes. Tous les mercredis à 17h. Fou de musique du monde. C'est fou. 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, en compagnie de Sinistro, c'est de moi-même, et ce, jusqu'à 21h, donc l'émission s'achève. Eh bien, tout juste avant la pause, nous avons entendu Iron Maiden avec l'album Peace of Mind, qui est paru le 16 mai 1983 sur EMI. Alors, on a entendu les pièces To Tame a Land, Still Life, Revelations, et la pièce d'ouverture de l'album Where Eagles Dare. Je sais pas. Ah, c'est vrai? Non. On l'a jamais su. Non, on l'a jamais su. On va appeler Bruce. Fait que sur l'album d'après, c'était Ace's Eye. Fait qu'il était rendu dans une autre histoire. C'était passé en guerre contre les aigles. Oui, c'est ça. Et ben, on sait à qui faire référence. Bon. Ah non, ça va pas, moi. Non. Ça va pas, hein? La semaine prochaine, à Réanimation, c'est la métallographie, donc, qui s'adresse à Accept. C'est l'idée de Sinistros. Moi, je participe parce que j'ai pas le choix, là, mais bon. Puis sérieusement, il y a eu de la misère à trouver des tunes. Que... Ben, en fait, on s'est séparé le travail en deux, donc j'ai la première partie. J'ai donné le plus facile. Puis je vous ai donné le plus plate, tu sais. Mais au-delà de cette métallographie, nous aurons aussi la retransmission. En fait, la diffusion de l'entrevue que j'ai réalisée avec The Monolith Death Cult, formation hollandaise. Évidemment, ça a été une entrevue qui a été faite en différé, peut pas être faite live parce qu'il y a 6 heures de décalage. Non, avec on les avait invités en studio à venir. Ils vont être là en studio avec nous. Ouais, j'aimerais beaucoup ça. Uh-huh. Donc, entrevue que j'ai fait il y a de cela quelques semaines. Donc, l'édition a été faite la semaine dernière. Donc, on vous présente ça la semaine prochaine. C'est assez intéressant d'entendre cette formation, leur conception de la musique, je dois dire. Formation que nous aimons beaucoup. au-delà de ça, ce vendredi, c'est même assez fou, dès 11h pour les vrais amateurs de vrai rock, devrais-je dire. C'est l'émission rock classique avec notre ami le Rockmaster Alain Lefebvre, et j'y serai pour la troisième partie et conclusion de ce spécial 1969. Donc, une émission qui sera complétée par ce qui fait l'originalité de l'émission avec des choix rock très éclectique et électrique, bien sûr, 11h à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock. Et n'oubliez pas de l'émission de notre ami Tower, DJ Tower of Death et Subversion. C'était la semaine dernière, donc cette semaine, il y aura lâche. Mais ici même, c'est fou. C'est fou.ca. Quand vous allez dans la programmation, vous verrez que après réanimation le vendredi, réanimation étant de 19h30 à 21h30 en rediffusion le vendredi, c'est la rediffusion aussi de l'émission de Subversion. Donc, une émission qui est très parfaitement complémentaire à ce qu'on fait ici à Réanimation et à Rock Classique aussi, bien sûr. Et le blog de Sinistros, lemort.com, Sinistros, c'est ses chroniques farfelues qui nous fait toujours bien rigoler. Les chroniques farfelues, il y en a eu une. Mais non. Tes chroniques sont tous farfelues. Oui, mais oui, c'est ça, mais il y a eu juste une chronique farfelue. Oui, mais je parlais... Antérieurement. Avec son système de pointage qui est tout aussi farfelu que le personnage. Ben, c'est correct, ça. C'est... As-tu vu, j'ai chroniqué juste un album cette année. Ouais, c'est ça que t'as écouté. Hein? Je devrais, ben, à peu près. Faut dire que l'année est peu riche en sorties intéressantes. Il y en a quelques-unes sorties intéressantes. Faut creuser. Ça se pousse pas à la barrière, là, présentement. J'aurai quelques présentations à faire au courant des prochaines semaines. Ben, côté présentation, moi, j'en ai une pour vous ce soir, en direct de la Floride, de Fort Lauderdale, à Malevolent Creation, qui nous proposait leur nouvel album, il y a de cela fort longtemps, je dois dire, soit le 18 janvier dernier. Sous étiquette Century Media, le 13e de la formation, qui porte le nom original de 13 Beasts. Formation qui a revu au cours de la dernière année principalement certaines métamorphoses parce que malheureusement je dois dire c'est incroyable. Ben, dis-le donc. Mais c'est parce que ça embarque pas cette histoire de niaiserie là. Ah ben dis-le pas finalement. Oui, je vais le dire à l'instant. Ah. Dans quelques années là, je suppose. L'Internet à vapeur. C'est quoi? Aïe. Ça ne veut pas rentrer. Quoi qu'il en soit, mon cher ami, vas-y, on peut mettre de la musique. Mais ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, je vais retrouver le nom exactement, mais le chanteur est décédé en 2018. Bon, ceci étant dit, le nouveau chanteur de Malevolent Creation fait un bon travail, oui, mais ce n'est pas le travail du précédent, malheureusement. Ce à quoi j'aurais retenu quand même deux pièces à vous présenter qui sont respectivement Canval Flesh et Born of Pain tirées de ce dernier album, et je vous dirai ce que je lui ai donné comme note en revenant. Malevolent Creation, let's go. 20h59. Et c'est vrai que ça finit là. Oui, ça finit là. Malevolent Creation de Floride aux États-Unis avec la pièce Born of Pain précédée de Canva of Flesh, respectivement 4e et 5e pièce de ce 13e album de 13 Beasts qui est paru le 18 janvier dernier sur Century Media. Je vais accorder une note exacte de 8 sur 10. Ben, c'est quand même très, très bon. C'est assez bien, c'est assez bien. Pas eu de chronique cinéma cette semaine, manque de temps, ça ira peut-être la semaine prochaine, j'ai beaucoup, beaucoup de trucs. Pas de chronique musicale non plus, on n'a pas eu le temps. C'est pas grave, la semaine prochaine, nous serons là à 19h, espérons-le qu'il fera pas trop mauvais, hein? Ça va se finir, maintenant? Au mois de juillet, il aurait pu en avoir. C'est ça. Au mois de juillet, c'est le baseball, on n'est plus là. T'as raison. Je préfère le contraire. À la place de mettre du baseball, de mettre du hockey. Fait qu'on va prendre congé pendant l'hiver. Ouais, pour en faire l'été. On va en faire l'été. C'est vrai, c'est une suggestion. Nous serons là la semaine prochaine à 19h pour une autre émission de réanimation avec la météorographie et l'entrevue de My Life Death Cult. N'oubliez pas cette semaine, 11h, Rock Classique, les vrais amateurs de vrai rock. Ici, Assez Fou, ainsi que l'émission rediffusion de Subversion de notre ami DJ Tower of Death. Sur SoundCloud, ici à C'est Fou, les vendredis, et de consulter le blog de hurlemort.com de notre ami Sinistros. Et d'ici là, ben sur ce, allez tous vous faire foutre, see ya!